Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1876, de son maître Gustave Flaubert, Maupassant écrivait: il est le montreur de marionnettes humaines qui doivent parler par sa bouche, tandis qu'ils ne s'accordent point le droit de penser par la leur. Et il ne faut pas qu'on aperçoive les ficelles ou qu'on reconnaisse la voix. Flaubert et l'écrivain de l'art difficile, simple et compliqué en même temps, ajoutait Maupassant, compliqué par la composition savante, travaillée, qui donne à ses œuvres un caractère frappant d'immutabilité, simple dans l'apparence, tellement simple et naturel qu'un bourgeois, avec l'idée qu'il se fait du style, ne pourra jamais s'écrier en le lisant « voilà ma foi, des phrases bien tournées ». En 1965, Pierre Cipriot proposait aux auditeurs d'Analyse spectrale de l'Occident d'examiner l'art difficile de Flaubert, la simplicité et la complexité d'une œuvre dont chaque livre est tellement différent de chacun des autres. Qu'a changé Flaubert dans la littérature? Si révolution flaubertiste il y a eu, quelle en a été la nature, le sens? A-t-il été le premier des modernes, le premier romancier, à savoir en quelque sorte ce qu'il faisait? Sans venir à bout du cas Flaubert, cette émission tentait d'en cerner les contours. Elle s'achevait par un débat réunissant les écrivains François-Régis Bastide, Camille Bourniquel, Christian Murciau et Philippe Solers. La question leur était posée: comment lisez-vous Flaubert? 1965, c'était encore le temps du nouveau roman et de la revue telle qu'elle, et si le ton du débat était courtois, les désaccords de fond y étaient palpables, et Flaubert n'y était probablement pour rien. L'occasion de se demander comment on lit Flaubert aujourd'hui, et peut-être surtout, comment le lisent les écrivains. Analyse spectrale de l'Occident, Flaubert, une émission diffusée la première fois, le 13 février 1965, sur France Culture. Nous vous prions d'écouter maintenant Analyse spectrale de l'Occident par Pierre Cipriot, assisté pour la réalisation de Hélène Delabrusse. Aujourd'hui, Flaubert, avec Marie-Jeanne Durie, André Mauroy de l'Académie française, Claude Bourniquel, Christian Murciau, François-Régis Bastide, Philippe Solers. Les textes seront lus par Sylvia Monfort, Jean-Paul Moulineau et Jean-Marie Fertet. Toute cette émission va être consacrée à l'œuvre de Flaubert. Nous éviterons de traiter son œuvre à coups d'étiquettes littéraires, romantiques ou réalistes. Dans les travaux très nombreux et très remarquables qu'il a consacrés à Flaubert, René Duménil en effet a prouvé, ce que Flaubert a dit d'ailleurs de lui-même, qu'il y a en Flaubert deux hommes distincts. L'un est épris de lyrisme, de grands vols à tire-d'aile dans le passé le plus chimérique. L'autre, au contraire, fouille, creuse le vrai tant qu'il peut. Le premier écrit la Tentation de Saint-Antoine, Salammbô, la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, Hérodias, et enfin la lassitude de toutes ces investigations dans Bouvard et Pécuchet. L'autre, le second Flaubert, si l'on veut, est l'auteur de Madame Bovary, d'un cœur simple, et il tente dans l'éducation sentimentale de mêler les genres, l'humain avec une étude de mère, et l'épique, les temps troublés de la Révolution de 1848. Le lyrisme, d'ailleurs, faisant la synthèse de tout cela avec l'histoire d'un amour infini et indéfini. Donc, pas d'étiquette pour Flaubert. Tout ce qu'on peut dire, comme l'a montré Jean Bruneau dans une thèse récente, Les débuts littéraires de Gustave Flaubert, édition Armand Collin, c'est que l'évolution de Flaubert depuis 1834, époque où à 14 ans, car Flaubert fut un écrivain très précoce, à 14 ans donc, au moment où il commence d'écrire des contes, des drames, des romans historiques, des chroniques normandes, jusqu'à 1843 où il rédige la première version de l'éducation sentimentale, de 1834 à 1843, donc, selon Jean Bruneau, l'évolution rapide, on pourrait même dire la mutation de Flaubert, et d'ailleurs Flaubert confirme ce que dit Jean Bruneau, « mon poil mu », dit-il souvent. Sa mutation donc reflète assez exactement les états et les études du milieu romantique, et cela bien que Flaubert vive dans sa solitude provinciale, sa petite chambre de Rouen, un génie dans une mansarde, comme le Louis Lambert de Balzac. De 14 ans donc à 20 ans, 1841, Flaubert est pris d'abord par des œuvres historiques, de 1835 à septembre 36, qu'il prolonge avec un Louis XI daté du 3 mars 1838. Puis il écrit des œuvres philosophiques, commencées en 1835 et qui prennent la première place, de 1836 à 1839. Enfin, il écrit des œuvres autobiographiques, « Mémoire d'un fou » 1838, « Souvenirs, notes et pensées intimes » 1840 à novembre 1842. Enfin, il écrit la première éducation sentimentale qui est achevée dans la nuit du 7 janvier 1845 à 1h du matin. Il est curieux que ce retour sur soi coïncide avec une époque où Flaubert quitte Rouen, à une époque où il vient à Paris faire mollement son droit. Pourquoi cela? Il nous l'a dit dans sa première éducation dans les lignes suivantes. Il se faisait transporter en omnibus d'un quartier de Paris à l'autre et il regardait toutes les figures que l'on prenait et qu'on laissait en route, établissant entre elles des rapprochements et des antithèses. Il entrait dans un café et restait une heure entière à lire la même ligne d'un journal. Il allait au bois de Boulogne, il regardait les jolis chevaux et les beaux messieurs, les carrosses vernis et les chasseurs panachés, et les grandes dames à figure pâle dont le voile remué par le vent et s'échappant de la portière lui passait sous le nez. Avec le bruit des gourmettes d'argent. Il aimait leur maintien dédaigneux et leur blason bariolé. Il rêvait, en les contemplant, à quelque existence grasse, pleine de loisirs heureux, passée derrière de triples rideaux roses, sur des meubles de velours. Il se figurait les salons où elles allaient, le soir, décolletées en diamants, avec des fleurs, les oreillers garnis de dentelles où elles posaient leurs têtes, les grands parcs qu'elles avaient l'été et les allées sablées où marchaient leurs pieds. Mais à chaque joie qu'il rêvait, une douleur nouvelle s'ouvrait dans son âme, comme pour expier de suite les plaisirs furtifs de son imagination. Étourdi du bruit des rues et de toute cette cohue d'hommes qui s'agitait autour de lui sans qu'il participât à ses actions et à ses mouvements passionnés, il s'éprenait tout à coup de désirs paisibles, souhaitait vivre loin de tout cela, à 100 lieues d'une ville, dans quelque petit village ignoré, assis au revers d'un coteau à l'ombre des chênes pour y exister et y mourir plus inconnu, que le plus humble des mortels. Rentré chez lui, il n'allumait pas sa bougie, mais il faisait un grand feu et s'asseyait devant à regarder le bois brûler. C'était un grand feu clair qui éclairait le plafond et se mirait dans les glaces. La flamme bourdonnait, une rougeur moirée ondulait sur les charpons, parfois des étincelles s'élançaient en spirale en éclatant comme des fusées, et Henri alors pensait à des choses si douces, si anciennes, si profondément tendres, qu'il en venait à sourire. À quoi pensait-il ? À son enfance, à son pays, au jardin de son père. Il songea à son bon temps de collège, à son pupitre tout abîmé de coups de canif et noirci d'encre, au marronnier de la cour et au grenier de l'église où l'on allait dénicher des hirondelles. Il songea encore à ses après-midi du jeudi, si plein de joie et de tumulte. Il revit un petit café où ils se réunissaient pour fumer et pour causer politique. Il revit les tables ébréchées, la vieille femme qui les servait. Il songea aussi à la petite fille qu'il avait aimée à 7 ans, à la demoiselle qu'il avait émue à 12, à la dame qu'il avait tourmentée plus tard. Il se rappela successivement tous les lieux où il les avait vus. Il tâcha même de se reconstruire tous les mots oubliés qu'elles avaient pu lui dire. Eh bien, la première éducation sentimentale dont je viens de lire un extrait, c'est Flaubert à 20 ans. Flaubert tel qu'il s'est vu, tel qu'il a voulu être ou tel qu'il a cru être. Un portrait moins complice maintenant, c'est celui que fixe Maxime Ducamp dans ses souvenirs. Lecture par Jean-Marie Ferté. Né à Rouen le 12 décembre 1821, Gustave Flaubert avait 21 ans lorsque je le vis pour la première fois. Il était d'une beauté héroïque. Ceux qui ne l'ont connu que dans ses dernières années, alourdi, chauve, grisonnant, la paupière pesante et le teint couperosé, ne peuvent se figurer ce qu'il était au moment où nous allions nous river l'un à l'autre par une indestructible amitié. Avec sa peau blanche légèrement rosée sur les joues, ses longs cheveux fins et flottants, sa haute stature large des épaules, sa barbe abondante et d'un blond doré, ses yeux énormes, couleur vert de mer, abrités sous des sourcils noirs, avec sa voix retentissante comme un son de trompette, ses gestes excessifs et son rire éclatant, il ressemblait au jeune chef gaulois qui luttèrent contre les armées romaines. Je m'imagine qu'ils étaient comme lui, impétueux, impatient, dominateur et charmant néanmoins, car leur violence apparente n'était que l'emploi des forces que la nature leur avait départies. Gustave était un géant. Issu de Normande et de Champenois, il avait dans les veines, par un de ses ascendants qui avait vécu au Canada, quelques gouttes de sang iroquois, dont il se montrait fier. Il était à Paris pour faire son droit. Il n'y avait nulle vocation et obéissait à la volonté de son père. Il suivait régulièrement les cours de l'école, poussait l'abnégation jusqu'à prendre des notes et s'indignait du mauvais français que parlaient ses professeurs. Sur les gradins, où s'entassaient les étudiants, son costume l'avait fait remarquer. En effet, fût-ce à 8h du matin, il ne sortait jamais qu'en vêtements noirs, en cravate blanche et en gants blancs. Il lui fallut l'expérience de la vie de Paris et la persistance de nos railleries pour l'amener à modifier ce costume qui le faisait ressembler à un garçon de noces. À Rouen, son père, Achille Cléophas Flaubert, était chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. Il avait fait ses études au collège de sa ville natale, ni bonne ni mauvaise, intermittente selon son tempérament, coupé de lectures que ses maîtres n'eussent pas approuvées, s'occupant plus de Ronsard que de Virgile et plus de Brantôme que de Fénelon. En seconde, en rhétorique, dans les narrations et les discours français, il avait déjà donné preuve d'une ampleur d'image qui fut remarquée. Longtemps, on a conservé le souvenir d'une de ses phrases. Il faisait dire à Richard Cœur de Lion « Le genêt de ma famille est trop haut pour que les abeilles de France puissent y monter. » Le professeur l'avait félicité et lui avait prédit qu'il marcherait sur les traces de M. Villemain. Flaubert avait fait la grimace, car le compliment ne lui avait point paru sans amertume. À cette époque, il vivait dans la familiarité de Byron et de Shakespeare, que sa connaissance de la langue anglaise lui permettait de lire dans l'original, et Villemain ne lui semblait pas un héros littéraire. J'ignorais encore que Gustave Flaubert s'occupa de littérature, comme disent les bonnes gens. Un soir que nous avions dîné ensemble, je l'avais reconduit jusqu'à sa porte. Au moment de franchir le seuil, il s'arrêta, sembla hésiter, puis, brusquement, il me dit « Monte avec moi, j'ai à te parler ». Une fois arrivé dans son appartement, il tira un manuscrit d'un coffret fermé à clé, le jeta sur la table et s'écria « Tu vas écouter cela ». Le livre, dont j'entendais la lecture, est la première œuvre de Flaubert. C'est un roman intitulé « Novembre ». La donnée en est simple et pourrait passer pour une autobiographie morale. Le livre est écrit d'un style qui ferait peut-être sourire aujourd'hui, mais qui me parut admirable. Je n'eus aucun effort à faire pour témoigner mon enthousiasme. J'étais sous le charme et subjugué. Enfin, un grand écrivain nous est né et j'en recevais la bonne nouvelle. Mon émotion était sincère et Gustave ne s'y méprit pas. Lorsqu'il eut terminé sa lecture, il me dit « À quoi trouves-tu que cela ressemble ?» Avec hésitation, je répondis « Ça rappelle un peu la manière de Théophile Gautier. » Il répliqua « Tu te trompes. Ça ne ressemble à rien. » Nous avons insisté sur la jeunesse de Flaubert car, comme pour toute grande destinée, il n'a fait que réaliser, obstinément, avec de plus grands moyens, dans l'âge mûr, ses projets de jeunesse. Mais aussi parce que la maturité de Flaubert, écrivain prolixe, écrivain abondant dans sa jeunesse, mais publié tard en 1856, à 35 ans avec Madame Bovary, qui paraît dans la Revue de Paris, la maturité de Flaubert, dis-je, ne commence que lorsqu'il sera mêlé en lui les deux voies, les éperduments de style du lyrique, l'exactitude, la vérité de l'observation, les formes plastiques et l'intimité des personnages complexes, voire dérisoires, indistincts, qui échappent aux clichés, aux phrases toutes faites, et qu'il faut reconstituer par lambeaux, sans rien pouvoir déguiser par la littérature. Faire de la littérature en étant simple, en étant bête comme la vie, voilà la hantise de Flaubert. Et cela nous impose une méthode critique particulière. « Éternelle médiocrité » lance Flaubert à l'adresse des critiques, de la critique même, où il voit toute la canaillerie humaine, « médiocrité qui vit sur le génie pour le dénigrer ou pour l'exploiter, race de hanneton, etc. » Ces phrases sont bien connues. Tout cela donc nous oblige à manier cette œuvre avec précaution. Précaution qu'il a lui-même réglée, dans cette phrase qui devrait d'ailleurs être la loi de toute critique, je ne reconnais point le droit à la critique de substituer sa pensée à celle d'un autre. Quelle est donc l'originalité de Flaubert? C'est d'abord le ton. Chaque roman de Flaubert peut être défini par une composition globale. L'écrivain doit s'y porter, il doit s'y plonger, bon gré mal gré, jusqu'à ce que se produise la sympathie des trois éléments, personnage, milieu, auteur. L'auteur qui, selon Flaubert, plane sur tout cela sans qu'on l'aperçoive comme Dieu sur sa création. Il y a en effet le ton ennuyeux, le ton bête à pleurer, triste à la mort que lui impose le milieu Bovary, la couleur de moisissure de l'existence des cloportes dans Bouvard et Pécuchet. Pour Salammbô, il y a des gens furieux et des charogneries passées au fléau des catapultes et des balles de frondeur. Pour cette bataille des Thermopyles à laquelle il pensait à la fin de sa vie, il y a une troupe de guerriers voués à la mort et y allant d'une manière gaie et ironique. La tentation de Saint-Antoine et l'exploration d'un fumier inconnu, etc., etc. Eh bien, cette recherche du ton adéquat ne fait qu'un avec le respect de la vie des personnages. Après Madame Bovary, Flaubert écrit à une mademoiselle Le Royer de Chantepie, « Le beau résulte de la conception même, l'illusion vient de l'impersonnalité de l'œuvre. » Autrement dit, premièrement, les personnages sont totalement inventés, même si, comme l'héroïne de l'éducation, ils sont nés d'une forte émotion ou d'un lancinant souvenir. Deuxièmement, les personnages secrètent leur entourage, leur milieu. Ils engendrent leur vie spontanément. Balzac donne son génie à ses paysans. Flaubert veut que ses paysans soient nature. Nous allons maintenant dialoguer avec André Mauroy de l'Académie française. Car cette objectivité, il me semble qu'on la retrouve, selon la ligne Flaubert, dans les beaux romans de André Mauroy, Climat ou Le Cercle de famille. Même si, plus près de Tourguenieff, André Mauroy ne cherche pas, comme le Flaubert des Antiquités, à galvaniser les morts et à rétablir les ruines. Et reste un romancier de la confidence et du monde qu'il a connu. Lui aussi, André Mauroy, a voulu, dans ses romans, penser pour d'autres comme ils eussent pensé, les faire parler comme ils devaient parler. Et je crois que nous pourrions engager l'entretien sur cette question de l'objectivité, formulée d'ailleurs par Flaubert d'une manière bien simple, qui sera reprise par tous les écrivains russes. L'écrivain n'a pas à défendre une thèse. Que le roman ne défendît aucune thèse, c'était en effet l'esthétique de Flaubert. Il aimait la fin de Candide, tranquille, bête comme la vie, preuve criante d'un génie de premier ordre. Et il disait aussi, « Ce qui me semble à moi le plus haut dans l'art et le plus difficile, ce n'est ni de faire rire, ni de faire pleurer, mais d'agir à la façon de la nature, c'est-à-dire de faire rêver. » Aussi, les très belles œuvres ont ce caractère. Elles sont sereines d'aspect et incompréhensibles quant au procédé. Elles sont immobiles comme des falaises, houleuses comme l'océan, pleines de frondaisons, de verdure et de murmures comme des bois, tristes comme le désert, bleues comme le ciel. Homère, Rabelais, Michel-Ange, Shakespeare, Goethe m'apparaissent impitoyables. Cela est sans fond, infini, multiple. Par de petites ouvertures, on aperçoit des précipices. Il y a du noir en bas, du vertige, et cependant quelque chose de singulièrement troublant sur l'ensemble. C'est l'idéal de la lumière, le sourire du soleil, et c'est calme. C'est calme et c'est fort. Oui, d'ailleurs, on peut dire que sur ces solides assises, on trouve également la chétive, la dérisoire figure de Madame Bovary. Oui, depuis près de 100 ans, cette figure fait rêver. Que signifie telle ouvrière de Vermeer assise à sa fenêtre, tel paysage de coraux? Rien. Ils sont, tout simplement. Dégage-toi de plus en plus en écrivant de tout ce qui n'est pas l'art pur. Et en vue le modèle, toujours, et rien d'autre chose. L'art est une représentation, nous ne devons penser qu'à représenter. Flaubert ne nous demande ni de partager l'horreur de son héroïne pour Yonville, ni de défendre Yonville, mais... Parce qu'un très grand artiste l'a peint, nous pouvons contempler ce petit bourg normand et le trouver sans fond, infini, multiple. Comme les grands mystiques religieux, Flaubert, mystique de l'art, a trouvé sa récompense dans une vision qui échappe au temps. Et comme le croyant, parce qu'il s'humilie, sera sauvé, le romantique Flaubert, parce qu'il accepta un jour le plus humble des sujets, a écrit le plus illustre, et le plus justement illustre des romans français. Et ce que je veux dire maintenant, et j'y ai pensé en entendant André Mauroy nous parler un instant de Flaubert, mystique de l'art, c'est qu'on limite singulièrement le génie, on limite le sens même de l'œuvre de Flaubert quand on voit seulement en lui le besogneux. Son grand travail, c'est bien cela qu'il faut voir, est aussi une grande pensée. Par le travail drogue, il a jugulé une nature, oublié une vie qui lui faisait horreur. Un psychologue, Jules de Gautier, autrefois analysé sous le nom de bovarisme, ce besoin d'échapper que Flaubert a jugulé en s'enfermant dans un travail de clôture où il apprivoisait des êtres de plus en plus fictifs ou dérisoires. Et je crois que cette œuvre de Jules de Gautier sur le bovarisme est intéressante non seulement pour le cas d'Emma Bovary, mais aussi pour le cas Flaubert lui-même. Eh bien, en effet, Jules de Gautier a nommé bovarisme l'état d'esprit de ceux qui essayent de s'imaginer autre qu'ils ne sont. Presque tous les hommes ont un peu de bovarisme dans leur composition. Chaque notaire porte en lui les débris d'un poète. Emma, par définition, est le bovarisme à l'état pur. Elle pourrait trouver le bonheur banal, vrai tout de même, en s'occupant de sa petite fille, de sa maison, en essayant de former peu à peu son mari, qu'il aime assez pour être malléable. Elle pourrait, puisqu'elle aime la poésie, découvrir celle de la nature, celle du village, mais elle se refuse à voir ce qui l'entoure. Elle rêve une vie différente au lieu de vivre la vie donnée. Et là est son vice, et c'était aussi celui de Flaubert. Car c'est le mal dont Flaubert est à peine guéri. Lui aussi, il a cru au Bayadère, au prestige de l'Orient. Et il lui faudra le voyage en Égypte, la tristesse des courtisanes, la saleté de leur hutte de terre battue, l'affreuse et lourde mélancolie de la nuit chez Ruchot-Canem pour le convaincre de la vanité de ses désirs. Pour Flaubert, le romantisme a été un échec aussi bien sur le plan de l'amour, la bêtise de Louis Collet, que sur celui du voyage, misère de l'Orient, et sur celui de l'art, dégoût de la tentation. Mais Flaubert, lui, contrairement à Emma, avait eu la sagesse de comprendre que le romantisme échouera toujours parce qu'il poursuit l'inaccessible. Le vrai sujet de Madame Bovary, c'est l'écart de plus en plus grand entre les circonstances et le rêve. Emma rêve d'aimer Tristan ou Lancelot. Elle rencontre Rodolphe, qui est médiocre, puis Léon, qui est pire, et elle finit dans les pattes du revendeur Lheureux, qui est le réel dans ce qu'il a de plus sordide. Flaubert la châtie, non pas tant d'avoir rêvé que d'avoir cherché à réaliser son rêve. Tant qu'elle se borne à désirer des amants à la Walter Scott et des robes divines, elle n'est qu'un poète. Elle écarte l'immonde Lheureux qui représente les plus basses tentations de la vie. Dès qu'elle tente de rapprocher le réel et le rêve, dès qu'elle permet à l'amant idéal de s'incarner en des formes grossières, dès qu'elle veut acheter des manteaux réels pour des voyages imaginaires, alors elle est perdue et elle tombe aux mains de l'heureux. Le rêve est semblable aux zaïmphes de Salammbô. Il est permis d'adorer le voile sacré. Qui le touche meurt de ce contact. Oui, alors il me semble là qu'on pourrait dire, sans forcer les choses, que Flaubert a été le premier écrivain maudit, et c'est un écrivain maudit qui a lui-même tissé sa malédiction. Une malédiction d'ailleurs où lacet très serré. Premièrement, il écrit pour fuir la vie. Mais les personnages qu'il évoque sont des vivants. Vont-ils, ces personnages, lui donner par procuration une extase que la vie lui refuse? Non, ces personnages restent finalement des désespérés. Ils sont pittoresques et équivoques tant qu'ils rêvent leur vie, comme vient de nous le dire André Mauroy, et ils deviennent pitoyables dès qu'ils ont les pieds sur la terre. Mais parce que Flaubert pousse devant lui ces êtres dérisoires qui explorent pour lui le chaos et la nuit, il trouve par eux, sinon le salut, au moins le large. Écrire dispense de vivre, et même interdit de vivre, puisque ce qu'on fait vivre en écrivant succombe aussitôt. Pour Calderon, la vie est un songe, pour Flaubert, le songe est creux. Reste l'art qui ordonne ce songe et l'emmène vers la beauté. Ainsi commence la grande aventure, tout au moins voilà comment je vois l'itinéraire spirituel de Flaubert. Mais où sommes-nous après tout cela? C'est, je crois, la question qui se pose, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de rêver. Où nous conduit le rêve? Eh bien, pour Flaubert, la réponse est très claire, il n'y en a qu'une. Renoncer à vivre la vie et se contenter de la décrire. Comme les grands mystiques, Flaubert tient le monde pour une illusion dont il faut se déprendre pour faire son salut. Son aventure est celle du héros de Proust qui ne retrouve le temps que le jour où il accepte de vivre hors du temps. L'homme ne peut imaginer ce qu'il possède. Les seuls véritables paradis sont les paradis que l'on a perdus. Tu peindras le vin, l'amour, la gloire, dit Flaubert, à la condition, mon bonhomme, que tu ne seras ni ivrogne, ni amant, ni tourlourd. Ce qui est un remède, en effet, pour Flaubert et pour tout artiste, mais n'en peut être un pour l'homme moyen qui, impuissant à créer la vie, doit la vivre. Toutefois, il y sera moins malheureux et peut-être moins maladroit s'il accepte de la vivre telle qu'elle l'est. Telle est la leçon de Madame Bovary. À quoi j'imagine que le romantique en Flaubert ne cessera jamais de répondre, et comment l'homme renoncerait-il à modeler cette vie médiocre pour la rapprocher de ses rêves? C'est un débat sans fin. Madame Bovary, c'est moi. À la vérité, Madame Bovary, c'est nous, c'est chacun de nous. Flaubert constate et ne conclut pas. Flaubert constate, vient de nous dire André Mauroy. Eh bien, que constate-t-on dans Madame Bovary? De quoi s'agit-il? Madame Bovary, c'est un roman d'amour, mais un roman d'amour, chose assez originale, vu du côté de la femme qui est dupe de ce roman d'amour. Flaubert en était bien conscient, puisqu'il écrit à Louise Collet ces lignes qui disent tout, il me semble, sur son livre. Tu parles des misères des femmes, je suis dans ce milieu, tu verras qu'il m'aura fallu descendre bas dans le puits sentimental. Si mon livre est bon, il chatouillera doucement main de plaie féminine, plus d'une sourira en s'y reconnaissant. Ces misères de la femme, c'est le romantisme. Il y a la Emma des clairs de lune, un peu niaise, et ses rêveries sossotes, mais il y a autre chose, il y a la Emma insatiable. Je pense à la réaction de Léon devant Emma. Il n'osait lui faire des questions, mais la discernant si expérimentée, elle avait dû passer, se disait-il, par toutes les épreuves de la souffrance et du plaisir. Un désir tyrannique, sans issue, passe dans ces lignes de Flaubert, et c'est dans cette ombre que se débat Madame Bovary. Je crois qu'il faudrait voir maintenant, par rapport à l'époque où le livre a été publié, le caractère unique, inédit et inoubliable du type que Flaubert a créé dans Emma Bovary. Flaubert atteint sa maturité à la fin d'une période romanesque. De 1815 à 1848, tous les romanciers, Stendhal, Balzac, George Sand, avaient été des romantiques. Stendhal, qui se voudrait cynique et qui est classique par le ton, peint en fait des héros romantiques qui finissent tous, et même le comte Mosca, et même Julien Sorel, par croire à l'amour-passion. Vers 1848, la France connut un romantisme du peuple. George Sand offrait à des patriciennes blasées l'amour de paysans solides. Puis vient, avec Louis-Napoléon, la grande lassitude et le dégoût de tout romantisme. Le coup d'État fut le triomphe des machiavéliens sur les héros de roman. Le public désabusé était mûr pour goûter un livre qui dirait la vérité, qui constaterait la médiocrité des armes, qui brûlerait ce qu'on avait adoré, tout comme le public espagnol avait été prêt, au temps de Cervantes, à accueillir un anti-roman. Le cynique, ou celui qui paraît tel, a grande chance de séduire et de durer lorsqu'il s'attaque au bon moment à un édifice politique et sentimental qui menace ruine. Il restera, dans l'histoire littéraire, comme le destructeur d'un monde périmé. Non que son expérience soit plus durable que le sentimentalisme qu'il a combattu. L'alternance continuera, mais le nouveau sentimentalisme sera différent. Il y a certaines formes d'évasion et de rêve qui ne sont plus possibles pour les femmes après Madame Bovary. Flaubert a modelé non seulement l'élite de son temps, mais les masses d'une autre, et c'est par là que son roman est un événement. Et un événement qui fit d'abord scandale, puisqu'après la publication, Flaubert nous dit que les femmes le regardaient comme une horreur d'homme. Lui, d'ailleurs, au contraire, s'avançait tout ingénu derrière son grand travail, derrière l'objectivité de ses personnages, et il disait « Mon roman mérite le prix Montyon. Si la mère ne peut en permettre la lecture à sa fille, je crois que bien des maris ne feraient pas mal d'en permettre la lecture à leur épouse. » En fait, de prix Montyon, Flaubert eut, on le sait, un procès pour offense à la morale publique et à la religion. Procès jugé le 24 janvier 1857, procès qui se termina par un acquittement fort laborieux d'ailleurs. André Mauroy a étudié autrefois les pièces de ce procès. Je crois que nous pourrions revenir sur cet événement qui marque un tournant de la mentalité, de l'opinion en face de la littérature et qui par conséquent une pièce importante. Oui, tournant en effet, car ce procès serait aujourd'hui absolument inconcevable. En ce temps-là, tous les hommes de lettres étaient pour Flaubert et le défendaient prudemment, parce qu'ils sentaient que sa cause était aussi la leur. Les femmes, et en particulier l'impératrice, parlaient pour lui. Mais l'empereur dit qu'on me laisse tranquille, et l'affaire suivit son cours. Flaubert écrit au docteur Jules Cloquet : « Mon cher ami, je vous annonce que demain 24 janvier, j'honore de ma présence le banc des escrocs, 6e chambre de police correctionnelle, 10h du matin. Les dames sont admises, une tenue décente et de bon goût et de rigueur. Je ne compte sur aucune justice, je serai condamné, et au maximum peut-être, 12 récompenses de mes travaux, noble encouragement donné à la littérature. » Le réquisitoire multiplia les points d'exclamation. Les amants, dit le réquisitoire, arrivent jusqu'aux limites extrêmes de la volupté. L'offense à la morale publique était, selon l'avocat impérial, dans ses tableaux lascifs. Il jugeait équivoque ce marié du lendemain que l'on eût pris pour la vierge de la veille et qui s'en va, le cœur plein des félicités de la nuit, l'esprit tranquille, la chair contente, ruminant son bonheur, comme ceux qui marchent encore après dîner, le goût des truffes qu'ils digèrent. L'auteur a mis le plus grand soin, s'écriait l'avocat impérial. Il a employé tous les prestiges de son style pour peindre cette femme. A-t-il essayé de la montrer du côté de l'intelligence? Jamais. Du côté du cœur? Pas davantage. Du côté de l'esprit? Non. Du côté de la beauté physique? Pas même. Oh, je sais bien qu'il y a un portrait de Madame Bovary après l'adultère, les plus étincelants. Mais le tableau est avant tout lascif. Les poses sont voluptueuses. La beauté de Madame Bovary est une beauté de provocation. Vraiment l'étrange et comique réquisitoire. Quatre passages étaient particulièrement incriminés. L'un sur les amours de Rodolphe. Qu'est-ce qui a séduit Rodolphe et l'a préparé? Le gonflement de la robe de Madame Bovary qui s'est crevée de place en place suivant les inflexions du corsage. Un second sur la transition religieuse. Un troisième sur les amours de Léon et la promenade en fiacre dans Rouen où rien n'est décrit mais où tout est suggéré. Un quatrième enfin sur la mort d'Emma qui est, dit le ministère public, un affreux mélange du sacré et du voluptueux. L'avocat de Flaubert, maître Sénard, avait beau jeu. Il fit un excellent portrait du père de Flaubert, chirurgien respecté dans toute sa province. Un grand nom et de grands souvenirs obligent. M. Gustave Flaubert est un homme d'un caractère sérieux, porté par sa nature aux choses graves, aux choses tristes. Ce n'est pas l'homme que le ministère public, avec 15 ou 20 lignes, mordu ça et là, est venu vous présenter comme un faiseur de tableaux lascifs. Madame Bovary peignait des adultères, oui, mais qui n'étaient qu'une suite de tourments, de regrets et de remords. Le fiacre de Rouen, Mérimée dans la double méprise, avait raconté une scène semblable qui se passait dans une chaise de poste. Les vêtements d'Emma qui tombent, mais Flaubert ne décrit même pas la nudité de son héroïne, ce qu'ont fait Chénier, Musset, tous les poètes. Les tableaux lascifs, Flaubert les a imités d'un livre qu'il feuillette jour et nuit, le discours de Bossuet sur les plaisirs illicites. Faudrait-il donc interdire Bossuet et les lettres persanes et les confessions? Évidemment non. Or, Montesquieu et Rousseau contiennent des passages infiniment plus licencieux que Madame Bovary. Le jugement fut un chef-d'œuvre de compromis. Le tribunal blâmait l'ouvrage, mais, attendu que c'est une œuvre qui paraît avoir été longuement travaillée au point de vue littéraire, attendu que les passages relevés, quelque répréhensibles qu'ils soient, sont peu nombreux si on les compare à l'étendue de l'ouvrage, attendu que Gustave Flaubert proteste de son respect pour les bonnes mœurs et tout ce qui se rattache à la moralité religieuse, qu'il n'apparaît pas que son livre ait été, comme certaines œuvres, écrit dans le but unique de donner une satisfaction aux passions sensuelles, à l'esprit de licence et de débauche, ou de ridiculiser des choses qui doivent être entourées du respect de tous, qu'il a eu tort seulement de perdre parfois de vue les règles que tout écrivain qui se respecte ne doit jamais franchir, et d'oublier que la littérature, comme l'art, pour accomplir le bien qu'elle est appelée à produire, ne doit pas seulement être chaste et pure dans sa forme et dans son expression, acquitter la Revue de Paris et l'auteur et les renvoyer sans dépens. Évidemment, comme dans tout procès, la personnalité de l'accusé, en l'occurrence la personnalité de Flaubert, disparaît un petit peu devant ses réquisitoires, ses plaidoiries, ses jugements. Quelle a été la réaction de Flaubert? Flaubert, malgré l'acquittement, resta étourdi et dégoûté de ce tapage étranger à l'art. Et puis, disait-il, l'avenir m'inquiète. Quoi écrire qui soit plus inoffensif que ma pauvre Bovary traînée par les cheveux comme une catin en pleine police correctionnelle? Il savait bien, lui, qu'art et morale sont deux catégories distinctes. Il avait hâte de s'en retourner dans sa maison des champs, loin des humains, et de mettre de nouvelles cordes à sa pauvre guitare sur laquelle on avait jeté de la boue. Image qui prouve d'ailleurs que le grand destructeur du romantisme restait un romantique. « Vous êtes, monsieur, lui écrivit après le procès Victor Hugo, un des esprits conducteurs de votre génération. Conservez, et tenez haut devant elle le flambeau de l'art. Je suis dans les ténèbres, mais j'ai l'amour de la lumière. C'est vous dire que je vous aime. » Phrase qui dut faire sourire Flaubert, mais non sans un certain contentement. C'est Bernanos, je crois, qui disait de Tolstoï, il rassemble ses héros pour les jeter à la conquête de l'ordre comme des soldats dans la mêlée. Eh bien, il me semble qu'on pourrait en dire autant de Flaubert avec cette différence, que pour Tolstoï, mystique de la vie, le monde, avec ou sans l'art, s'épanche comme un fleuve, et c'est bien, tandis que pour Flaubert, mystique de l'art, tout est bien si la vie est décapitée, si l'art réussit à prouver que la vie n'est rien. Ces héros, Flaubert les jette à la conquête de la nuit et du néant. L'art n'est pas la nature, dira Flaubert en 1879. De là son goût pour le passé, et non pas le passé tout proche, celui qui vit en nous, mais le passé le plus mort, le plus aboli, un passé d'illusion, celui que croit voir Saint-Antoine dans ses visions, qui lui démontre avec la dernière évidence toutes les humaines faiblesses, ou bien c'est le monde de Carthage, un monde rasé par les Romains. C'est dans ces gouffres que Flaubert fait ses bonnes pêches, car il peut opérer alors ce qu'il appelle le travail de reconstruction qui, dit-il, et là tous les mots sont à peser, travail de reconstruction qui galvanise les morts, rétablit les ruines et donne au passé une vie réelle. Et lucubration solitaire, composée de science et d'inspiration, enfantement complexe des intelligences, œuvre muette et féconde. Un extrait de la Tentation de Saint-Antoine dans la version définitive, l'apparition de la reine de Saba, lue par Sylvia Montfort et Jean-Marie Ferté, un tel texte va éclairer ce que Flaubert vient de nous dire sur son art. Oh, belle ermite, mon cœur défaille. À force de piétiner d'impatience, il m'est venu des calus au talon. Et j'ai cassé un de mes ongles. J'envoyais des bergers qui restaient sur les montagnes, la main étendue devant les yeux. Et des chasseurs qui criaient ton nom dans les bois. Et des espions qui parcouraient toutes les routes en disant à chaque passant, « L'avez-vous vu ?» La nuit, je pleurais. Le visage tourné vers la muraille. Mes larmes à la longue ont fait deux petits trous dans la mosaïque, comme des flaques d'eau de mer dans les rochers. Car je t'aime. Oh oui, beaucoup. Elle lui prend la barbe. Ris donc, belle ermite, ris donc. Je suis très gaie, tu verras. Je pince de la lyre, je danse comme une abeille, et je suis une foule d'histoires à raconter, toutes plus divertissantes les unes que les autres. Tu n'imagines pas la longue route que nous avons faite. Voilà les onagres des courriers verts qui sont morts de fatigue. Les onagres sont étendus par terre, sans mouvement. Depuis trois grandes lunes, ils ont couru d'un train égal. Avec un caillou dans les dents pour couper le vent, la queue toujours droite, le jarret toujours plié, et galopant toujours. On n'en retrouvera pas de pareil. Il me venait de mon grand-père maternel, l'empereur Saharil. Fils d'Yashbak, fils d'Yarabe, fils de Castan. Oh, s'il vivait encore, nous les attellerions à une litière pour nous en retourner vite à la maison. Mais comment, à quoi songes-tu? Elle l'examine. Oh, quand tu seras mon mari, je t'habillerai, je te parfumerai, je t'épilerai. Antoine reste immobile, plus roide qu'un pieu, pâle comme un mort. Tu as l'air triste. Est-ce de quitter ta cabane? Moi, j'ai tout quitté pour toi. Jusqu'au roi Salomon qui a cependant beaucoup de sagesse, 20 000 chariots de guerre et une belle barbe. Je t'ai apporté mes cadeaux de noces choisis. Elle se promène entre les rangées d'esclaves et les marchandises. Voici du baume de Génézareth, de l'encens du Cap Garde-Fin, du ladanon, du cinnamon et du silphium bon à mettre dans les sauces. Il y a là-dedans les broderies d'Assur, des ivoires du Gange, de la pourpre d'Elissa. Et cette boîte de neige contient une outre de chalybon vin réservé pour les rois d'Assyrie, et qui se boit pur dans une canne de licorne. Sur ce tapis de Babylone, il y a... Mais viens donc, viens donc. Elle tire Saint-Antoine par la manche. Il résiste. Elle continue. Ce tissu mince qui craque sous les doigts avec un bruit d'étincelle est la fameuse toile jaune apportée par les marchands de Bactriane. Il leur faut 43 interprètes dans leur voyage. Je t'en ferai faire des robes que tu mettras à la maison. Poussez les crochets de l'étui en sycomore et donnez-moi la cassette d'ivoire qui est au garrot de mon éléphant. On retire d'une boîte quelque chose de rond, couvert d'un voile, et l'on apporte un petit coffret chargé de ciselures. Veux-tu le bouclier de Djian Benjian, celui qui a bâti les pyramides? Le voilà. Il est composé de 7 peaux de dragon mises l'une sur l'autre, jointes par des vis de diamant, et qui ont été tannées dans de la bile de parricide. Il représente d'un côté toutes les guerres qui ont eu lieu depuis l'invention des armes, et de l'autre toutes les guerres qui auront lieu jusqu'à la fin du monde. La foudre rebondit dessus comme une balle de liège. Je vais le passer à ton bras, tu le porteras à la chasse. Mais si tu savais ce que j'ai dans ma petite boîte, retourne à la tâche de l'ouvrir. Personne n'y parviendrait. Embrasse-moi, je te le dirai. Elle prend Saint-Antoine par les deux joues. Il la repousse à bras tendus. C'était une nuit que le roi Salomon perdait la tête. Enfin, nous conclûmes à marcher. Il se leva et sortant à pas de loup... Elle fait une pirouette. Belle ermite, tu ne sauras pas, tu ne le sauras pas. Elle tord ses bras langoureusement. Oh, si tu voulais, si tu voulais. J'ai un pavillon sur un promontoire au milieu d'un isthme, entre deux océans. Il est lambrissé de plaques de verre, parquetées d'écailles de tortue et s'ouvre aux quatre vents du ciel. D'en haut, je vois revenir mes flottes. Et les peuples qui montent la colline avec des fardeaux sur l'épaule. Nous dormirions sur des duvets plus mous que des nuées, nous boirions des boissons froides dans des écorces de fruits, et nous regarderions le soleil à travers des émeraudes. Viens. Antoine se recule, elle se rapproche, et d'un ton irrité. Comment? Ni riche, ni coquette, ni amoureuse. Ce n'est pas tout cela qu'il te faut, hein? Mais lascive, grasse, avec une voix rauque, la chevelure couleur de feu et des chairs rebondissantes. Préfères-tu un corps froid comme la peau des serpents ou bien de grands yeux noirs plus sombres que les cavernes mystiques? Regarde-les, mes yeux. Antoine, malgré lui, les regarde. Toutes celles que tu as rencontrées depuis la fille des carrefours, chantant sous la lanterne jusqu'à la patricienne effeuillant des roses du haut de sa litière. Toutes les formes entrevues, toutes les imaginations de ton désir, demande-les. Je ne suis pas une femme, je suis un monde. Mes vêtements n'ont qu'à tomber. Et tu découvriras sur ma personne une succession de mystères. Antoine claque des dents. Si tu posais ton doigt sur mon épaule, ce serait comme une traînée de feu dans tes veines. La possession de la moindre place de mon corps t'emplira d'une joie plus véhémente que la conquête d'un empire. Avance tes lèvres. Mes baisers ont le goût d'un fruit qui se fondrait dans ton cœur. Oh, comme tu vas te perdre sous mes cheveux, humer ma poitrine, t'ébahir de mes membres. Et brûlé par mes prunelles entre mes bras dans un tourbillon. Antoine fait un signe de croix. Tu me dédaignes, adieu. Elle s'éloigne en pleurant, puis se retourne. Bien sûr. Une femme si belle. Elle rit. Et le singe qui tient le bas de sa robe la soulève. Tu te repentiras, belle ermite. Tu gémiras. Tu t'ennuieras. Mais je m'en moque. Elle s'en va la figure dans les mains en sautillant à cloche-pied. Les esclaves défilent devant Saint-Antoine. Les chevaux, les dromadaires, l'éléphant, les suivantes, les mulets qu'on a rechargés, les négrillons, le singe, les courriers verts tenant à la main leur lisse cassée. Et la reine de Saba s'éloigne en poussant une sorte de hoquet convulsif qui ressemble à des sanglots ou à un ricanement. We'll be right back. Après l'œuvre de Flaubert lue par André Mauroy, que nous avons interrogé tout à l'heure, voici Flaubert vu par lui-même. Le but de Flaubert étant à la fois le vrai et l'apparence du vrai ou forme, comment a-t-il organisé ces éléments disparates, voire antithétiques? Comment s'y est-il pris pour s'émouvoir et pour bouleverser les autres, avec des êtres qui ne sont pas lui, pour deviner et sentir et décrire tour à tour, pour voir et faire voir, selon une théorie de l'effet, théorie que Delacroix avant lui, pour les arts plastiques, et en même temps que lui, Baudelaire et Poe mettaient en place, en voulant être les voyants impassibles d'un monde tel quel, mais racheté par la création. Cette création absolue est l'histoire d'une longue lutte menée au jour le jour, et que Flaubert nous a racontée dans son combat quotidien avec sa correspondance. Jean-Paul Moulineau lit quelques extraits qui m'ont paru les plus caractéristiques parmi ses lettres. On commence en 1842, Flaubert a 21 ans. On s'arrêtera en 1872, Flaubert a 51 ans. À Ernest Chevalier, Rouen, 15 mars 1842. Oh, si j'avais une tente faite de joncs et de bambous au bord du Gange, comme j'écouterais toute la nuit le bruit du courant dans les roseaux, et le roucoulement des oiseaux qui perchent sur des arbres jaunes. Mais nom de Dieu, est-ce que jamais je ne marcherai avec mes pieds sur le sable de Syrie, quand l'horizon rouge éblouit, quand la terre s'enlève en spirales ardentes et que les aigles planent dans le ciel en feu? Ne verrai-je jamais les nécropoles embaumées ou les hyènes glapis nichées sous les momies des rois quand le soir arrive à l'heure où les chameaux s'assoient près des citernes? On les entend rôter et fianter. Dans ces pays-là, les étoiles sont 4 fois larges comme les nôtres. Le soleil y brûle, les femmes s'y tordent et bondissent dans les baisers sous les étreintes. Elles ont aux pieds, aux mains, des bracelets, des anneaux d'or et des robes en gaze blanche. Seulement, quelquefois, quand le soleil se couche, je songe que j'arrive tout à coup à Arles. Le crépuscule illumine le cirque et dore les tombeaux de marbre des Aliscans. Et je recommence mon voyage. Je vais plus loin, comme une feuille poussée par la brise. C'est une belle chose qu'un souvenir. C'est presque un désir qu'on regrette. À Louis de Cormenin, 7 juin 1844. Je suis flatté de voir que vous vous unissez à moi dans la haine du Sainte-Beuve et de toute sa boutique. J'aime par-dessus tout la phrase nerveuse, substantielle, claire, aux muscles saillants, à la peau bistrée. J'aime les phrases mâles, et non les phrases femelles, comme celle de Lamartine, fort souvent, et un degré inférieur, celle de Villemain. Les gens que je lis habituellement, mes livres de chevet, ce sont Montaigne, Rabelais, Régnier, La Bruyère et Le Sage. J'avoue que j'adore la prose de Voltaire et que ses contes sont pour moi d'un ragoût exquis. J'ai lu Candide 20 fois. Je l'ai traduit en anglais et je l'ai encore relu de temps à autre. Maintenant, je relis Tacite. Dans quelque temps, quand j'irai mieux, je reprendrai mon Homère et Shakespeare. Homère et Shakespeare, tout est là. Les autres poètes, même les plus grands, semblent petits à côté d'eux. À Maxime Ducamp, avril 1846. Quand je pense à tout ce qui peut survenir, je ne vois pas ce qui pourrait me changer. Donc j'entends le fond, la vie, le train ordinaire des jours. Et puis je commence à prendre une habitude du travail dont je remercie le ciel. Je lis ou j'écris régulièrement de 8 à 10 heures par jour. Et si l'on me dérange, j'en suis tout malade. Bien des jours se passent sans que j'aille au bout de la terrasse. Le canot n'est seulement pas à flot. J'ai soif de longues études et d'âpres travaux. La vie interne que j'ai toujours rêvée commence enfin à surgir. Dans tout cela, la poésie perdra peut-être, je veux dire, l'inspiration, la passion, le mouvement instinctif. J'ai peur de me dessécher à force de science, et pourtant, d'un autre côté, Je suis si ignorant que j'en rougis vis-à-vis de moi-même. Il est singulier comme depuis la mort de mon père et de ma sœur, j'ai perdu tout amour d'illustration. Les moments où je pense au succès futur de ma vie d'artiste sont les moments exceptionnels. Je doute bien souvent si jamais je ferai imprimer une ligne. Sais-tu que ce serait une belle idée que celle du gaillard qui jusqu'à 50 ans n'aurait rien publié et qui d'un seul coup ferait paraître un beau jour ses œuvres complètes et s'en tiendrait là. À Louise Collet, samedi 8 août 1846. Personne plus que moi n'a le sentiment de la misère de la vie. Je ne crois à rien, pas même à moi, ce qui est rare. Je fais de l'art parce que ça m'amuse, mais je n'ai aucune foi dans le beau, pas plus que dans le reste. Autrefois, la plume courait sur mon papier avec vitesse, elle y court aussi maintenant, mais elle le déchire. Je ne peux pas faire une phrase, je change de plume à toute minute parce que je n'exprime rien de ce que je veux dire. Le fond de ma nature est, quoi qu'on dise, le saltimbanque. J'ai eu dans mon enfance et ma jeunesse un amour effréné des planches. J'aurais été peut-être un grand acteur si le ciel m'avait fait naître plus pauvre. Encore maintenant, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la forme, pourvu qu'elle soit belle, et rien au-delà. À Louise Collet, dimanche 20 décembre 1848. Sous mon enveloppe de jeunesse, gît une vieillesse singulière. Qu'est-ce donc qui m'a fait si vieux au sortir du berceau et si dégoûté du bonheur avant même d'y avoir bu? Tout ce qui est de la vie me répugne, tout ce qui m'y entraîne et m'y plonge m'épouvante. Je voudrais n'être jamais né ou mourir. J'ai en moi, au fond de moi, un embêtement radical, intime, âcre et incessant, qui m'empêche de rien goûter et qui me remplit l'âme à la faire crever. Il reparaît à propos de tout comme les charognes boursouflées des chiens qui reviennent à fleur d'eau malgré les pierres qu'on leur a attachées au cou pour les noyer. À Louis Bouillet, 4 juin 1850. Je me demande d'où vient le dégoût profond que j'ai maintenant à l'idée de me remuer pour faire parler de moi. Je ne me sens pas la force physique de publier, d'aller chez l'imprimeur, de choisir le papier, de corriger les épreuves, etc. Et qu'est-ce que cela comparativement au reste? Autant travailler pour soi seul. On fait comme on veut et d'après ses propres idées. On s'admire, on se fait plaisir à soi-même. N'est-ce pas le principal? Et puis le public est si bête. Et puis qui est-ce qui lit? Et que lit-on? Et qu'admire-t-on? Ah, bonnes époques tranquilles. Bonnes époques à perruques. Vous viviez d'aplomb sur vos hauts talons et sur vos cannes. Mais le sol tremble sous nous. Où prendre notre point d'appui, en admettant même que nous ayons le levier? Ce qui nous manque à tous, ce n'est pas le style, ni cette flexibilité de l'archet et des doigts, désignés sous le nom de talent. Nous avons un orchestre nombreux, une palette riche, des ressources variées. En fait de ruses et de ficelles, nous en savons beaucoup plus qu'on n'en a peut-être jamais su. Non, ce qui nous manque, c'est le principe intrinsèque. C'est l'âme de la chose, l'idée même du sujet. Nous prenons des notes, nous faisons des voyages. Misère, misère. Nous devenons savants, archéologues, historiens, médecins, gnaf. Et gens de goût. Qu'est-ce que tout ça y fait? Mais le cœur, la verve, la sève. D'où partir? Et où aller? À Louise Collet, vendredi soir 16 janvier 1852. Il y a en moi, littéralement parlant, deux bons hommes distincts. Un qui est épris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d'aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée. Un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu'il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu'il reproduit. Celui-là aime à rire et se plaît dans les animalités de l'homme. À Louise Collet, 30 mai 1852. Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu'on en possède. Et pour garder sa conscience pure, la mettre au-dessus de celle de tous les autres. Le moyen de vivre avec sérénité et au grand air, c'est de se fixer sur une pyramide quelconque, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit élevée et la base solide. Oh, ce n'est pas toujours amusant, et l'on est tout seul. Mais on se console en crachant d'en haut. À Louise Collet, mardi 6 juillet 1852. La passion ne fait pas les vers, et plus vous serez personnel, plus vous serez faible. J'ai toujours péché par là, moi. C'est que je me suis toujours mis dans tout ce que j'ai fait. À la place de Saint-Antoine, par exemple, c'est moi qui y suis. La tentation a été pour moi, et non pour le lecteur. Moins on sent une chose, plus on est apte à l'exprimer comme elle l'est. Comme elle est toujours en elle-même, dans sa généralité et dégagée de tous ses contingents éphémères. Mais il faut avoir la faculté de se la faire sentir. Cette faculté n'est autre que le génie. Voir. Avoir le modèle devant soi, qui pose. À Louise Collet, mercredi 1er septembre 1852. Le génie n'est pas autre chose, ma vieille. Avoir la faculté de travailler d'après un modèle imaginaire qui pose devant nous. Quand on le voit bien, on le rend. Je ferai quelque chose de beau, dussé-je en crever. Voilà un mot, moi. Tu parles des misères de la femme. Je suis dans ce milieu. Tu verras qu'il m'aura fallu descendre bas dans le puits sentimental. Si mon livre est bon, il chatouillera doucement maintes plaies féminines. Plus d'une sourira en s'y reconnaissant. J'aurais connu vos douleurs, pauvres âmes obscures, humides de mélancolie renfermées, comme vos arrière-cours de province, dont les murs ont de la mousse. Interrompons un instant la lecture de la correspondance de Flaubert par Jean-Paul Moulineau pour entendre par la voix de Sylvia Montfort un extrait de Madame Bovary. Extrait où, selon son principe, Flaubert fait battre, palpiter le cœur et les entrailles de son héroïne, non pas pour nous émouvoir par la personnalité sentimentale d'Emma Bovary, réduite à une confidence à laquelle le lecteur ou l'auteur serait mêlé, mais pour faire battre, palpiter ce cœur en lui-même, à mille lieues de nous, et néanmoins nous émouvoir, parce que tel est le sujet du roman. Qui t'a retenu hier ? J'ai été malade. Et de quoi ? Où ? Comment ? Elle se passa la main sur le front et répondit « Chez Mademoiselle l'Empereur ». J'en étais sûre. J'y allais. « Oh, ce n'est pas la peine, dit Emma. Elle vient de sortir tout à l'heure. Mais à l'avenir, tranquillise-toi. Je ne suis pas libre, tu comprends, si je sais que le moindre retard te bouleverse ainsi. » C'était une manière de permission qu'elle se donnait de ne point se gêner dans ses escapades. Aussi en profita-t-elle tout à son aise largement. Lorsque l'envie la prenait de voir Léon, elle partait sous n'importe quel prétexte. Et comme il ne l'attendait pas ce jour-là, elle allait le chercher à son étude. Ce fut un grand bonheur les premières fois. Mais bientôt il ne cacha plus la vérité, à savoir que son patron se plaignait fort de ses dérangements. « Oh, viens donc, disait-elle. » Et il s'esquivait. Elle voulut qu'il se vêtît tout en noir et se laissa pousser une pointe au menton, pour ressembler au portrait de Louis XIII. Elle désira connaître son logement, le trouva médiocre, il en rougit. Elle n'y prit garde. Puis lui conseilla d'acheter des rideaux pareils aux siens, et comme il objectait la dépense, « Oh, tu tiens à tes petits écus, dit-elle en riant. » Il fallait que Léon, chaque fois, lui racontât toute sa conduite depuis le dernier rendez-vous. Elle demanda des verres, des vers pour elle, une pièce d'amour en son honneur.

Oh, quelle impossibilité. Rien d'ailleurs ne valait la peine d'une recherche. Tout mentait. Chaque sourire cachait un bâillement d'ennui. Chaque joie une malédiction. Tout plaisir son dégoût. Et les meilleurs baisers ne vous laissaient sur la lèvre qu'une irréalisable envie d'une volupté plus haute. Un râle métallique se traîna dans les airs et quatre coups se firent entendre à la cloche du couvent. 4 heures ? Et il lui semblait qu'elle était là, sur ce banc, depuis l'éternité. Mais un infini de passion peut tenir dans une minute. Comme une foule dans un petit espace. Reprenons maintenant la lecture de la correspondance de Flaubert par Jean-Paul Moulineau. À Louise Collet, vendredi 30 septembre 1853. Le génie, après tout, n'est peut-être qu'un raffinement de la douleur, c'est-à-dire une plus complète et intense pénétration de l'objectif à travers notre âme. La tristesse de Molière, sans doute, venait de toute la bêtise de l'humanité qu'il sentait comprise en lui. Il souffrait des Diafoirus et des Tartuffes qui lui entraient par les yeux, dans la cervelle. Est-ce que l'âme d'un Véronèse, je suppose, ne s'imbibait pas de couleurs continuellement, comme un morceau d'étoffe sans cesse plongé dans la cuve bouillante d'un teinturier ? Tout lui apparaissait avec des grossissements de tons qui devaient lui tirer l'œil hors de la tête. Michel-Ange disait que les marbres frémissaient à son approche. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il frémissait, lui, à l'approche des marbres. Les montagnes, pour cet homme, avaient donc une âme. Elles étaient de nature correspondante. C'était comme la sympathie de deux éléments analogues. Mais cela devait établir de l'une à l'autre, je ne sais où ni comment, des espèces de traînées volcaniques d'un ordre inconcevable à faire péter la pauvre boutique humaine. À George Sand, mercredi 4 décembre 1872. Pourquoi publier par l'abominable temps qui court ? Est-ce pour gagner de l'argent ? Quelle dérision ! Comme si l'argent était la récompense du travail et pouvait l'être. Cela sera quand on aura détruit la spéculation. D'ici là, non. Et puis comment mesurer le travail ? Comment estimer l'effort ? Reste donc la valeur commerciale de l'œuvre. Il faudrait pour cela supprimer tout intermédiaire entre le producteur et l'acheteur. Et quand même cette question en soi est insoluble, car j'écris, je parle d'un auteur qui se respecte, non pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui pourront se présenter tant la langue vivra. Ma marchandise ne peut donc être consommée maintenant, car elle n'est pas faite exclusivement pour mes contemporains. Mon service reste donc indéfini et par conséquent impayable. Pourquoi donc publier ? Est-ce pour être compris, applaudi ? Mais vous-même, vous, grand George Sand, vous avouez votre solitude. Y a-t-il maintenant, je ne dis pas de l'admiration ou de la sympathie, mais l'apparence d'un peu d'attention pour les œuvres d'art ? Quel est le critique qui lise le livre dont il est à rendre compte ? Dans 10 ans, on ne saura peut-être plus faire une paire de souliers tant on devient effroyablement stupide. Tout cela est pour vous dire que, jusqu'à des temps meilleurs, auxquels je ne crois pas, je garde Saint-Antoine dans un bas d'armoire. Si je le fais paraître, j'aime mieux que ce soit en même temps qu'un autre livre tout différent. J'en travaille un maintenant qui pourra lui faire pendant. Conclusion, le plus sage est de se tenir tranquille. À George Sand, 12 décembre 1872. Ne prenez pas au sérieux les exagérations de mon ire. N'allez pas croire que je compte sur la postérité pour me venger de l'indifférence de mes contemporains. J'ai voulu dire seulement ceci. Quand on ne s'adresse pas à la foule, il est juste que la foule ne vous paye pas. C'est de l'économie politique. Or, je maintiens qu'une œuvre d'art digne de ce nom et faite avec conscience, est inappréciable, n'a pas de valeur commerciale, ne peut pas se payer. Conclusion, si l'artiste n'a pas de rente, il doit crever de faim. On trouve que l'écrivain, parce qu'il ne reçoit plus de pension des grands, est bien plus libre, plus noble. Toute sa noblesse sociale, maintenant, consiste à être l'égal d'un épicier. Quel progrès! Quant à moi, vous me dites « soyons logiques ». Mais c'est là le difficile. Je ne suis pas sûr du tout d'écrire de bonnes choses, ni que le livre que je rêve maintenant puisse être bien fait, ce qui m'empêche pas de l'entreprendre. Je crois que l'idée en est originale, rien de plus. Et puis, comme j'espère cracher là-dedans le fiel qui m'étouffe, c'est-à-dire émettre quelques vérités, j'espère par ce moyen me purger et être ensuite plus olympien, une qualité qui me manque absolument. Ah, comme je voudrais m'admirer. La perfection technique des œuvres de Flaubert, la place qu'elles ont occupée dans sa vie, la lancinante rêverie dont elles sont sorties, la durée de son travail sur chaque roman, tout cela, évidemment, a prodigieusement excité la critique. Nul écrivain n'a été mieux examiné, mieux déchiffré, analysé par ses ébauches, ses fragments d'œuvres, l'état successif de ses manuscrits. Signalons à cet égard les beaux travaux de Gabriel Leleu et de Jean Pommier, de René Duménil et de Jean Bruneau, déjà nommés, tout ce travail arachnéen de la critique universitaire qui n'est ni un embrouillamini, ni un jeu gratuit, mais au contraire, la reconstruction de toute une œuvre, quand on garde, comme tous ces auteurs, le contact avec l'essentiel de l'œuvre, Marie-Jeanne Dury, auteur de Flaubert et ses projets inédits, Nizet éditeur, ce travail, donc, Marie-Jeanne Dury va le mener devant nous à propos de l'éducation sentimentale. On ne choisit pas ses sujets, il s'impose, a écrit Flaubert à propos de l'éducation. Par quelle décantation? Je laisse à Marie-Jeanne Dury le soin de nous le dire. L'éducation sentimentale, je ne parle pas de celle de 1845, qui ne fut pas publié du vivant de Flaubert, mais de celle qu'il écrivit de 64 à 69, et peut-être le plus beau de ses romans. Roman de mœurs modernes qui se passe à Paris, histoire morale, sentimentale des hommes de sa génération, mais surtout un des plus profonds livres d'amour, de passion de toute notre littérature. Roman de la privation, de l'amour non pas seulement pudique, mais aussi timide, contenu, cet amour par lequel on est à la fois dans le monde de la passion et dans celui de l'impossible, où Frédéric demande sans prendre, où Madame Arnoux chérit sans presque l'avouer, si ce n'est tout à la fin, dans une dernière entrevue déchirante, avec les cheveux blancs et sans se donner. Or, vous savez que ce que j'ai trouvé de plus important peut-être dans le livre que j'ai intitulé « Flaubert et ses projets inédits » est un scénario, le premier, je crois, que Flaubert a fait de l'éducation sentimentale. Une ébauche qui va se corrigeant, se complétant, tentative qui va du canevas même du roman, d'essai pour marquer les différentes étapes de l'action ou du développement psychologique, à l'ébauche d'épisodes, à des questions que se pose Flaubert, à l'invention de détails sporadiques. Jamais, comme en déchiffrant ces feuillets, je n'avais eu l'impression de capter un chef-d'œuvre à sa source, de rejoindre par-delà le chef-d'œuvre tout ce qui s'est agité dans l'esprit d'architecte, de définitif déjà, et à la fois, malgré une netteté souvent brutale, d'obscur encore et de tâtonnant. Et tout de suite, voici comment cela commence. Le mari, la femme, l'amant, tous s'aimant, tous lâchent. Traversé sur le bateau de Montreux, un collégien. Madame SCH, monsieur SCH, moi. Développement de l'adolescence, droit, obsession, femme vertueuse et raisonnable, escortée d'enfants. Et quelques lignes plus loin, adultère mêlé de remords et de peur, débine du mari et développement philosophique de l'amant, fin en queue de rat, tous savent leur position réciproque et n'osent se la dire, le sentiment finit de soi-même, on se sépare, fin, on se revoit de temps à autre, puis on meurt. Cela fait battre le cœur. Le plan, peut-être ce premier plan, disais-je, de l'éducation sentimentale, avec une conclusion qui à la fois est et n'est pas celle du roman définitif. Fin en queue de rat, tous savent leur position réciproque et n'osent se la dire, le sentiment finit de soi-même, on se sépare, fin, on se revoit de temps à autre, puis on meurt. Arnoux seul mourra. Et après que Frédéric aura perdu Madame Arnoux, il n'y aura pas de rencontre de temps à autre, mais la suprême entrevue à la nuit tombante. Le mari, la femme, l'amant, tous s'aimant, tous lâches, des trois personnages posés dès le début, seule la femme plus tard ne sera jamais lâche. Traversée sur le bateau de Montreau, un collégien, Madame SCH, Monsieur SCH, moi, tout de suite, quelle phrase ? Où donc ailleurs Flaubert a-t-il fait un aveu si dénudé ? Le secret de sa vie, le sésame autobiographique de son roman, jamais il ne l'a pareillement livré. Ses initiales qu'il trace à la va-vite, dans le secret de notes qui ne devait jamais voir le jour, ce jeu accentué, c'est une confession comme jamais les flaubertistes n'en avaient rencontré. Il leur avait fallu deviner ce que tout à coup Flaubert laisse échapper et qui n'est pas moins que l'histoire du grand amour de sa vie, Madame Schlesinger, Monsieur Schlesinger, moi. De tout ce que j'ai publié et analysé de cette ébauche, je ne retiendrai ici que l'essentiel de quelque chose qui me paraît central et qui montre par quelle découverte progressive Flaubert arrive à ce qui fait la plus éternelle beauté de son roman, l'inoubliable figure de Madame Arnoux, ardente, profonde et préservée. Elle ne vient au rendez-vous que deux ou trois fois, mais agitée, en larmes, mauvais coup. Déception pour l'amant qui est déjà très fort, car il n'ose pousser sa pointe que dans le dernier état de sa passion. Il a déclaré sa flamme presque par farce et a été en quelque sorte surpris de la facilité qu'elle a mis à venir au rendez-vous. Les deux ou trois premiers rendez-vous sont manqués par hasard et intentionnellement, puis elle a des remords d'honnête homme et y va, mais l'heure de l'accord est passée. Elle l'aime quand il ne l'aime plus, c'est à ce moment-là qu'il la possède ou qu'elle s'offre. Madame Moreau, Madame Arnoux porte encore ce nom qui sera plus tard au contraire celui du jeune homme et n'a pas trouvé le sien. Madame Moreau cède avec une facilité soudaine à venir au rendez-vous. Elle cède dans un épisode lamentable, avec agitation, avec larmes, et l'étreinte est décevante, mais elle cède. Flaubert, quand il relit à tête reposée, barre au crayon ce qu'il a écrit à l'encre, supprime l'épisode où il dégradait ainsi son héroïne. Mais il avait écrit également « Elle l'aime quand il ne l'aime plus, c'est à ce moment-là qu'il la possède », ligne dont il ne barrera que les quatre derniers mots, suggérant à la place où qu'elle s'offre. Un peu plus tard, comme une habileté de romancier, comme un moyen dramatique, l'idée pointe qu'il serait plus fort de ne pas faire « prendre », Flaubert dit un mot plus grossier. Madame Moreau, qui chaste d'action, se rongerait d'amour. Il s'achemine, mais non point dans les mots, vers le respect qu'il aura pour Madame Arnoux, quoiqu'il attribue à Madame Moreau un moment de faiblesse que l'amant n'aurait pas vu, dont il n'aurait pas profité. Arrivé au point où l'héroïne aime Frédéric, Flaubert imagine les manifestations et les suites de cet amour. Madame Moreau cède, dit-il, sur un feuillet. Dans une volte-face de ses perplexités, avait-il donc fait fi de la trouvaille encore incomplète d'ailleurs, où il était difficilement arrivé, ne voulait-il plus préserver l'héroïne ? En tout cas, maintenant, elle accepte un rendez-vous rue Tronchet, rue Tronchet spécifie-t-il en relisant le rendez-vous de la rue Tronchet. Ce rendez-vous qui sera traité si différemment dans l'éducation. Madame Moreau ici en sort sans avoir failli, mais elle s'y est rendue. Madame Arnoux le manquera malgré elle, et ce n'est pas de ce jour qu'elle aime Frédéric du fond de son âme, mais c'est alors qu'elle fait oblation à Dieu de sa seule tentation de faiblesse. Ailleurs, Céline. Dernière entrevue. Visite de madame. Elle s'offre, mais elle ne l'excite plus. Il a peur des dégoûts futurs, ne pas la rendre ridicule. Il en a pitié. Elle s'en va. Il la voit monter en fiacre. Et tout fut fini. Ainsi, peu à peu résolu à laisser Madame Moreau matériellement intacte, Flaubert la faisait sortir, épargnée et amoindrie, d'un aussi pitoyable naufrage que celui du rendez-vous. Or, épurée, décantée, déchirante, laissant à l'héroïne un prestige d'holocauste, telle sera dans l'éducation sentimentale la page de l'entrevue suprême. Nous en savons tous la fin par cœur, les ciseaux, le peigne défait, les cheveux blancs qui tombent, la longue mèche qu'elle se coupe brutalement à la racine. Gardez-les. Adieu. Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Madame Arnoux, sur le trottoir, fit signe d'avancer à un fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture disparut. Et ce fut tout. Et tout fut fini, disait l'ébauche. La clausule sera presque la même, plus parfaite, plus définitive, et sans le redoublement des deux F dans ces quatre monosyllabes. Toute la beauté du rôle demeure à la femme, qui peut être un instant dans une dévotion reconnaissante, à rêver de donner ce qu'elle n'avait jamais accordé auparavant, et dont la générosité, en même temps que la puissance d'admiration, sont si grandes qu'elles transforment en raison pour elle de s'émerveiller le reste d'égoïsme et de calcul masculin caché dans l'abstention de Frédéric. La dernière tentation à quoi l'homme résiste, la crainte des dégoûts futurs, le départ en fiacre, le sentiment de l'irrévocable, dès le premier instant, Flaubert a voulu les peindre. Mais le changement d'atmosphère, la profondeur des résonances, la sublimation de l'héroïne dans l'âge où la pensée d'avoir été l'idolâtrie d'un homme peut consoler d'une vie perdue, où toute tentative pour rendre cet homme heureux n'est plus qu'une impensable chimère, où la passion doit le céder à une sorte de maternité, où la femme abdique, mais non l'amour qui dure jusqu'à la mort, tout ce final de la symphonie ne viendra que plus tard. Chose bien curieuse, tout au long de ce hasard dirigé qu'est l'enfantement d'un chef-d'œuvre, Flaubert, toujours, est celui qui voudrait soustraire le chef-d'œuvre au hasard. Mais, comme par une revanche de l'inspiration, ce qui paraîtra le plus intentionnel dans le roman est du moins à un dessin préconçu qu'au développement naturel des thèmes. Le livre accomplit, presque malgré l'auteur, la plus belle figure qui y était recelée. Flaubert a d'abord voulu une honnête femme adultère, et l'ébauche ne l'idéalise que peu à peu, et comme la retenant toujours au seuil de ce qu'elle sera. Telle qu'en elle-même, le roman la changera pour toujours, elle aura été découverte par les efforts têtus de Flaubert pour accéder à la vérité de ses personnages. Mais par des efforts qui l'ont conduit où il n'avait pas prémédité d'aller. Madame Arnoux a obéi moins à sa volonté qu'à son rêve. Il avait mis en elle à son insu une si forte et si douce puissance qu'elle s'est entre ses mains modelée, non à la ressemblance d'un type ordinaire d'humanité, mais à l'image de ce que l'humanité féminine peut offrir de plus tendre, de plus digne et à travers tout de plus invinciblement préservé. Nous assistons avec respect à l'éveil encore ténébreux et enchevêtré d'une grande création littéraire. Nous sommes les témoins d'une force qui s'affirme et qui se débat. Même parmi les fragments les plus éloignés du but, quelque chose l'atteint déjà. Un seul exemple. Flaubert écrivait dans le passage barré du scénario initial « Les deux ou trois premiers rendez-vous sont manqués par hasard et intentionnellement. Puis elle a des remords d'honnête homme et y va. Il ne semblait pas que le roman eût rien conservé de ces lignes reniées aussitôt qu'écrites. Eh bien, quand Frédéric conjure Madame Arnoux de lui donner une preuve de confiance, de sortir avec lui, de se montrer à son bras, dit-il, devant tout le monde, sans crainte de sa part, sans arrière-pensée de la sienne, n'ayant personne autour d'eux pour les importuner, et dans son esprit à lui, cette prière prélude au rendez-vous qu'il demandera ensuite, sans calculer, sans prévoir où sa réponse doit la conduire, soit, dit-elle, avec une bravoure de décision qui stupéfia d'abord Frédéric. Sa bravoure de décision, c'est la réaction d'honnête homme qui, depuis le passage sacrifié par l'auteur, attendait en elle l'occasion de se produire. Au reste, que s'est-il passé dans la réalité? La peine que Flaubert semble éprouver à découvrir que la passion de Frédéric et de Madame Arnoux ne doit pas succomber à une tentation présente jusqu'à la fin semblerait indiquer que, contrairement à ce que l'on croyait, sa passion pour Madame Schlesinger avait trouvé son accomplissement charnel. Je ne me soucie pas de le savoir. Que l'on continue d'ignorer si les premières ébauches, plus proches comme il serait naturel, d'une réalité dont l'art ne s'est pas encore tout à fait emparé, lui sont plus fidèles, ou si la réalité même a été pareille au songe, et si Flaubert l'avait emprisonné en lui avec un tel serment intérieur de ne jamais la révéler, une telle pudeur du sacré, une si essentielle jalousie qu'il a fallu l'authenticité même de son œuvre, plus forte que son désir de séparer son œuvre de lui, pour le contraindre à laisser apparaître son propre secret de pureté. Flaubert par lui-même, Flaubert par les universitaires, Flaubert par des critiques, c'est un peu la question que nous avons pu poser dans la première partie de cette émission. Et surtout Flaubert par lui-même, Flaubert tel qu'il s'est vu, tel qu'il a voulu être ou tel qu'il a cru être. Flaubert à l'épreuve du temps, tel qu'on le lit, ou plutôt comment le lisent des romanciers contemporains, c'est la question que nous voudrions poser pour cette tribune finale. Vont participer à cette tribune François-Régis Bastide. François-Régis Bastide a été prix Femina en 1956 et il a préfacé la première éducation sentimentale éditée au Seuil. Camille Bourniquel, Christian Murcio, prix du roman de l'Académie française en 1960, prix de Monaco en 1964, et Philippe Solaire, prix Médicis 1961. Je crois que la première question que je voudrais poser à ces quatre romanciers, c'est « Flaubert, notre patron, dit-il, à la fin de sa présentation de l'éducation sentimentale, pourquoi Flaubert est-il votre patron, François-Régis Bastide ?» C'est beaucoup dire, je crois que c'était une chute commode pour une préface. Je ne sais pas si Flaubert est le patron, je n'en suis pas très sûr, nous allons peut-être le savoir un peu mieux dans quelques minutes. Lisez-vous Flaubert pour votre plaisir, ou pour y trouver des leçons de style, ou bien des leçons de composition, ou pour y trouver une idée très haute de l'héroïsme littéraire, enfin l'héroïsme oui. littéraire exactement comme Gide pouvait lire la correspondance de Flaubert en se disant que c'était le bréviaire de l'homme de lettres. Oui, ça je crois que nous sommes tous d'accord, il n'y a pas de plus belle correspondance d'écrivain, je n'en connais bien pas. Laissons... Il y a de plus belle correspondance d'homme peut-être, mais il n'y a pas de plus belle correspondance. Laissons la parole à Christian Murcio. Je crois qu'on peut le lire aussi bien dans les jours d'euphorie et d'abondance que dans les jours de stérilité et de doute, parce que c'est ce qu'il y a d'étonnant dans cette espèce de tentation de Saint-Antoine écrivain qu'est la correspondance de Flaubert, les hauts et les bas, les découvertes miraculeuses de son pouvoir, les moments où il est grisé de faire sauter, dit-il, les êtres comme des marrons dans une poêle, et puis d'autres pages très sombres où il désespère, d'autres pages où il anticipe, où il rêve de ce roman qu'il n'écrira jamais, où il ne se passera rien, tout en tâchant de mettre sur pied un immense roman social sur le Second Empire et une vaste machine sur les Thermopyles. Je crois que Christian Murcio a dégagé l'essentiel des questions que nous serons amenés à poser au cours de ce dialogue, mais j'aimerais que Camille Bourniquel nous dise s'il lit Flaubert et quelle importance il attache à cette œuvre. Bien, je veux dire que les dernières rééditions m'ont amené à découvrir un Flaubert que je connaissais moins bien que l'autre Flaubert, le Flaubert romancier, c'est le Flaubert de la correspondance. Parce qu'il me semble que c'est à travers la correspondance qu'on saisit le mieux l'évolution de sa vie littéraire et ce qu'il a apporté de nouveau dans la littérature et même, je dirais, dans le monde des arts. Je crois que, presque à la même époque, il y a eu trois écrivains qui ont vraiment une action très profonde sur leur temps. C'est à la fois Flaubert pour le roman, Baudelaire pour la poésie et j'ajouterais Manet pour la peinture. Il me semble qu'il y a là trois révolutions qui sont presque contemporaines et qui ont été une importance considérable parce que je crois qu'une forme de l'humanisme artistique et littéraire s'est terminée à ce moment-là et qu'une autre forme de littérature et d'art a commencé. Ça me paraît très juste ce rapprochement en particulier pour Flaubert et Baudelaire parce qu'avec Baudelaire c'est tout le pathétique personnel qui entre dans une poésie qui jusque-là était encombré de thèmes, et on peut dire aussi que l'œuvre de Flaubert, c'est finalement l'exposé de ses idées sur le monde, de ses rêveries, de son imagination, et sa volonté aussi de lutter contre cette imagination par un réalisme qui lui a d'ailleurs coûté très cher, qui lui a donné infiniment de peine, comme nous le voyons dans sa correspondance. Mais Philippe Soler, qui... précisément pourrait nous apporter beaucoup pour cet entretien puisque il y a dans tout son groupe tel quel un effort pour penser le roman d'une manière nouvelle. J'aimerais que vous nous disiez, Philippe Soler, si à l'intérieur de votre groupe tel quel, Flaubert représente quelque chose. Certainement. Par exemple, il est assez frappant que, si vous voulez, en 20 numéros de notre revue, nous ayons consacré au moins deux textes critiques assez importants, je crois, à Flaubert. Alors que nous ne nous sommes pas beaucoup préoccupés d'autres écrivains de la même époque, et du XIXe siècle en particulier. Je reprendrai ce qu'a dit Camille Bourniquel. En effet, il me paraît que la révolution apportée par Flaubert, par Baudelaire et par Manet est une pré-révolution d'ailleurs, parce que la véritable révolution s'accomplit un peu plus tard avec, pourrait-on dire, Mallarmé, L'autre Amour, Rimbaud et Cézanne, si on prend un peintre. Par conséquent, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que dans Flaubert, quelqu'un qui prépare cette révolution, quelqu'un qui n'en a pas. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Oui, sans aucun doute. C'est-à-dire qu'il y a eu là, en effet, ils n'ont pas été absolument victimes, si vous voulez, de cette révolution, mais ils ont été victimes d'une certaine façon. Mais ils ont été incompris, en plus. Incompris. Enfin, nous touchons quand même à des écrivains qui ont été des écrivains maudits et à un peintre qui a été incompris. Mais alors, l'importance de Flaubert, je crois, vient de sa situation extrêmement isolée au moment où il écrit par rapport à ses contemporains. C'est-à-dire que on peut dire de lui que vraiment il prend du langage une conscience tout à fait inattendue, tout à fait imprévisible, et qu'il la poursuit par ses lettres, par ses livres aussi, qui sont très différents les uns des autres. C'est quelque chose sur le quoi on n'insiste jamais assez. C'est qu'un écrivain qui écrit à la fois La Tentation de Saint-Antoine, Emma Bovary, l'éducation sentimentale, Bouvard et Pécuchet, etc., est un écrivain qui, au fond, emploie une rhétorique par livre, n'est-ce pas ? Mais croyez-vous qu'il ait été tellement incompris, c'est quand même une affirmation qui me trouble un peu, parce que finalement, oui, les feuilletons de Sainte-Beuve sur Flaubert sont quand même extrêmement favorables, et ne l'oublions pas, Flaubert se situe lui-même en porte-à-faux, puisqu'il se déchaîne contre toute la génération romantique qui, à l'époque où il commence d'écrire, enfin tout au moins où il commence de publier, en 1856, couvre la littérature. Oui, mais il me semble que là où Flaubert est incompris, c'est dans son postulat fondamental qui va être par la suite entièrement recoupé par les autres tentatives révolutionnaires de la littérature, c'est de découvrir que le langage ne sert pas à exprimer autre chose que lui-même, c'est-à-dire, ou plutôt, si vous voulez, que le langage est un véritable milieu dans lequel nous vivons, nous pensons et nous agissons constamment, n'est-ce pas ? Et c'est ça qu'il découvre. Si vous voulez, quand je pense à l'hommage que Proust rend à Flaubert, cet hommage où il dit, je cite la phrase de Proust, « Un homme qui, par l'usage entièrement nouveau et personnel qu'il a fait du passé défini, du passé indéfini, du participe présent, de certains pronoms et de certaines prépositions, a renouvelé presque autant notre vision des choses que Kant, avec ses catégories, les théories de la connaissance et de la réalité du monde extérieur. » Je pense que ce que Proust là décèle chez Flaubert est fondamental, parce que, en effet, personne à son époque ne considère le langage comme ça. Mais ne sommes-nous pas ici, je crois d'ailleurs que tout écrivain est obligé de considérer le mot quand même comme son milieu. Et si un homme a considéré le mot comme son milieu, c'est Victor Hugo. Oui, mais alors je pense, si vous voulez, que le postulat de Flaubert, c'est le suivant, il l'exprime d'ailleurs dans ses lettres, c'est que, dit-il, nous ne devons pas être des discutants, en se servant du langage, nous ne devons pas discuter, nous devons être des exposants, n'est-ce pas ? L'exposition, pour lui, c'est la poésie, et c'est ce qui pose, par exemple, le problème de la description chez Flaubert, qui est fondamental. Pour lui, il y a une distance prise par rapport au langage, et pour la première fois, je crois, dans la littérature, ce qui fait de lui un moderne. Oui, mais alors là, je crois que nous sommes en train de mêler deux choses assez différentes, à savoir les caractères et le milieu dans lequel il ne veut pas entrer, puisque le romancier doit être pour lui une sorte de dieu qui survole tout cela, et d'autre part, l'utilisation du vocabulaire qui était le point de départ. Enfin, François-Régis Bastide. Oui, c'est là que la révolution flaubertienne. Et c'est là que c'est utile de redécouvrir les écrivains, parce qu'on les redécouvre d'une façon un peu différente et quand même on sollicite un peu les choses. Vous comprenez, la lettre de Proust sur Flaubert, c'est très beau, mais je ne suis pas sûr que Flaubert puisse être réduit à un nouvel usage du passé défini, ou et comme si, dit Mme Sarraute, un usage de la conjonction de coordination. Je crois que quand même on peut dire en tout cas que Flaubert est le premier romancier, je crois, qui sait ce qu'il fait et qui y pense beaucoup plus que Balzac, dont on est toujours atterré de lire les propos, disons, critiques, enfin, les analyses de ses propres œuvres. Balzac était un romancier complètement inconscient de ce qu'il faisait, une espèce de force de nature livrée aux mots, aux phrases, aux descriptions aussi, car il y en a tout de même beaucoup, mais sans savoir très bien ce qu'il faisait. Flaubert sait ce qu'il fait, comme Baudelaire, et Camille Bricquel avait raison de le rappeler tout à l'heure, ou comme Manet. Je crois qu'il y a une opposition extrêmement différente, à savoir que toute cette génération de romanciers romantiques a publié dans des revues et que le problème, c'était quand même, s'ils avaient du génie aussi, le même problème se posait pour eux, c'était de remplir des pages. Alors il est évident que c'est très commode, les descriptions pour remplir des pages, la documentation pour remplir des pages. Oui, mais il n'y a pas avec que... Flaubert, nous avons un romancier qui, au contraire, resserre et qui ne veut pas que ses personnages soient absorbés par le milieu. Qui, à propos d'éducation sentimentale, se pose constamment la question, le milieu est quelque chose de très important, puisque c'est la révolution de 48, mais comment faire pour que les personnages ne disparaissent pas dans le milieu ? Christian Murcio. Oui, moi je crois que tout de même, très banalement, Flaubert était un romancier pour lequel les sujets de roman, les caractères, tout ça comptait énormément. Il était sûrement plus conscient qu'un autre romancier ou qu'aucun des romanciers qu'il avait précédé de ce qu'il bâtissait, mais le réduire à une spéculation sur le langage, où ça me semble très extérieur. Quant aux descriptions, je crois que là, il faut se souvenir du mot admirable de Delacroix, auquel Victor Hugo reprocha à propos d'une de ses toiles l'assassinat de l'évêque de Liège. Victor Hugo lui a dit « on ne voit pas l'épée ». Et Delacroix a répondu « j'ai tâché de rendre l'éclair de l'épée ». Et je crois que les gens qui savent vraiment décrire, c'est-à-dire Flaubert, et ça je suis navré de dire que je ne sens absolument rien de cela dans les descriptions du nouveau roman, qui sont énumératives, qui ne sont pas lyriques, qui ne sont pas recréatrices, qui ne sont pas synthétiques, ça je ne sens pas du tout le passage de la description de Flaubert à l'énumération fastidieuse au dessin d'architecte sans profondeur, sans air du nouveau roman. Donc, voilà. Camille Bourdiquel. Non, je voudrais dire une chose. Je pense que chez un romancier de la taille de Flaubert, deux directions peuvent s'imposer, n'est-ce pas? Il est évident que si on examine le phénomène de recréation, il fait partie du désir de totalité qu'il y a chez Flaubert. Mais je crois quand même qu'il a eu une perception très nette de ce qu'allaient être les recherches purement axées sur le langage à l'intérieur du roman. J'ai là une citation qui me semble très importante, et je crois qu'en effet, elle est de celle que les jeunes romanciers peuvent le plus méditer quand ils relisent la correspondance. « Ce que je voudrais faire, dit Flaubert, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. » Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins, où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Il ajoute que Flaubert continue en disant « Je crois que l'avenir de l'art est dans ses voies ». Je ne sais pas si dans le nouveau roman, dans la mesure où il utilise cette lettre, il n'y a pas quand même une confiscation, en ce sens que pour Flaubert, écrire un livre sur rien, c'est finalement écrire un livre comme Candide, c'est-à-dire quelque chose de très mouvementé, qui est bête comme la vie. Je crois que c'est extraordinaire de voir chez un homme qui, sur certains points, me semble avoir été extraordinairement limité dans sa réflexion sur certaines choses philosophiques, certains aspects religieux, n'est-ce pas, de la vie. Il me semble, par exemple, que la présence de Baudelaire est infiniment plus éclairante que celle de Flaubert, n'est-ce pas? Mais sur d'autres, il me semble que Flaubert a introduit dans la littérature une chose qui est proprement moderne, c'est l'angoisse même de l'écrivain à travers son œuvre. Oui, puis alors en plus, l'œuvre qui n'est pas un monde, comme l'œuvre de Balzac ou l'œuvre de Sand, mais l'œuvre qui est quand même une postulation des nerfs, tout en étant une œuvre très objective, puisque Camille Bourdiquel citait la correspondance, mais si nous prenons une autre lettre où Flaubert parle de Saint-Antoine, il nous dit que, précisément, il est allé exhumer des fumiers inconnus pour infuser toute sa vie dans ce Saint-Antoine qui est si loin de lui. Et c'est en étant le plus loin de soi qu'on peut être en même temps le plus personnel. Par exemple, dans Salammbô, la scène où Salammbô va chercher le zaïmph sous la tente du barbare est exactement parallèle à la scène de l'éducation sentimentale où Madame Arnoux va chez ce soupirant pour lui arracher la reconnaissance de dette de son mari. Là, il faut voir les choses d'un peu près et il y a toutes sortes de schémas, si je peux dire, de scènes, de situations qui se retrouvent et qui sont d'autant plus frappantes par l'écart des siècles et par l'écart aussi même de la couleur qu'il y a entre Salammbô et l'éducation. Oui, il s'agit toujours finalement de poétiser, de transposer les événements et les événements les plus banals de la vie pour en faire une œuvre d'art et tout en suivant la nature, essayer cette nature de lui donner la forme, de lui donner un style. Nulle part, la description de Flaubert n'a en quelque sorte cette force plastique, le côté, si vous voulez, justement Manet, et en même temps le côté magique, le côté double magique qui est très, très frappant. Il y a quelque chose qui d'ailleurs est assez fascinant dans Salammbô, c'est la première fois qu'apparaît dans la littérature ce que Thibaudet a pu appeler le romantisme de province, c'est-à-dire l'homme envoûté par ses rêves dans une solitude provinciale et qui se met à faire vivre des mondes. C'est la même chose d'ailleurs avec la tentation de Saint-Antoine. Alors nous sommes un petit peu immobilisés sur ces querelles du nouveau roman, pour lesquelles d'ailleurs il est difficile de trancher, mais il y a quand même d'autres aspects de l'œuvre que nous pourrions soulever maintenant. Il y a quand même chez Flaubert la création d'un roman français qui serait un roman de la province. Croyez-vous que cette veine flaubertiste est encore, à l'heure actuelle, son actualité, sa fécondité? Moi, je pense que non. D'abord, pour Salammbô, Flaubert a aussi dit « On ne sera jamais comme il a fallu être triste pour écrire un livre pareil ». Il ne faut pas oublier que les livres de Flaubert, il se les impose. Il n'y croit pas une seconde, n'est-ce pas? Il ne croit pas du tout à leur sujet. Sa correspondance est pleine du fait... C'est amusant comme théorie, mais je crois pas. Madame Bovary, il y a cru pendant 5 ans comme un damné, l'éducation aussi. Il n'y croit pas en tant que ça pourrait renvoyer à une réalité quelconque, n'est-ce pas ? À une réalité oui. extérieure au livre. Il fait un livre, n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de Flaubert, honnêtement, sans prendre en considération le fait qu'il y a un leitmotiv dans Flaubert, n'est-ce pas ? Le style est à lui seul d'une manière absolue de voir les choses. Je voudrais faire des livres où il n'y eut qu'à écrire des phrases comme pour vivre, il n'y a qu'à respirer l'air, n'est-ce pas ? Et je pense que si justement Flaubert écrit des livres si différents les uns des autres, c'est que justement oui. il n'y a qu'une seule recherche qui le préoccupe, c'est celle de l'écriture elle-même. Abandonnant Saint-Antoine, dont Bouillet et Ducamp lui disent que ça n'est pas bon, il fait Madame Bovary, qui est le contraire même, qu'il s'impose, qu'il ennuie prodigieusement, n'est-ce pas ? Il ne songe qu'à revenir à Saint-Antoine, d'ailleurs, enfin, en lisant sa correspondance, on s'en rend compte. En fait, il s'impose des problèmes qui sont à l'opposé de sa nature. Oui, mais oui, ça, tous les romanciers ont toujours haï les romans qu'ils écrivaient. Balzac disait « Je hais les romans, et particulièrement ceux qu'il faut finir ». Y avait-il un roman ? C'est Balzac qui parle. Y avait-il un romancier qui se forçait à écrire des choses qu'il ne se sentait pas faites pour écrire ? Oui, ça c'est le grand argument, oui. C'est la diversité même des œuvres de Flaubert. S'il y avait eu 3 éducations et 4 Madame Bovary marquant une progression... Au début, il veut écrire un Faust, et finalement, il écrit ce Faust constamment. C'est la tentation de Saint-Antoine et ses multiples versions. Et puis alors, il y a l'influence de Bouillet qui lui dit « Il faut s'occuper du milieu provincial où tu vis ». Alors, il est évident que c'est un auteur extrêmement impressionnable. Oui, il est resté, au fond, un conseil idiot. Mais Flaubert se moque de la société provinciale, oui. je suis sûr. Oui, mais enfin, il ne se moquait pas de Bouillet. Maintenant, il faut voir comment il a commencé le pensum qui était Madame Bovary, comment il l'a poursuivi et comment il l'a achevé. On exploite là un peu des déclarations qui sont d'humeur, qui sont extrêmement intéressantes. C'est exactement comme lorsque Tolstoï parle comme d'une vieille maîtresse de la Karénine et ne cesse de soupirer après le jour où il en aura fini avec la Karénine. Il y a une chose qui me frappe beaucoup chez Flaubert, et en relisant Bouvard-Pécuchet, je l'ai senti, je m'étonne qu'on n'ait pas vu aussi en quel point cette espèce de critique extrêmement violente de toutes les institutions, de toutes les idées reçues, finalement crée une sorte de nihilisme annonciateur. Et je me demande si les personnages de Bouvard-Pécuchet ne sont pas très longtemps avant Beckett, des choses qui ne pourraient nous faire penser. Tout Flaubert est nihiliste, je crois que Madame Bovary... Mais le nihilisme à ce moment-là, il n'était pas le seul. Nous, Tourguenieff aussi est le nihiliste, n'est-ce pas ? Pourquoi l'univers de Flaubert nous donne-t-il l'impression d'un désespoir aussi radical ? C'est peut-être la différence avec Baudelaire. Le désespoir de Baudelaire est tourné vers un ailleurs. Il est ouvert sur des possibilités de départ, vers quelque chose. Le monde de la parole chez Flaubert... C'est en cela qu'il est si moderne, se referme sur lui-même. Quelqu'un a parlé du fait que chez Flaubert, on assistait à une transcendance frustrée. C'est-à-dire l'avenue au premier plan d'éléments tout à fait opaques, insignifiants, insistants. N'est-ce pas ? Flaubert ne passe pas, il s'attarde. Ce que relève par exemple Geneviève Bollem dans son très très beau livre qui s'appelle « La leçon de Flaubert ». Dans Bovary, n'est-ce pas, il y a la promenade de la voiture. À un moment donné, et la longueur, l'insistance avec laquelle cette voiture se promène dans Rouen, c'est ça l'avenue du désespoir, justement, dans l'œuvre de Flaubert, et qui culmine dans Bouvard et Pécuchet, parce que c'est un désespoir par rapport à la signification, et par conséquent par rapport au langage lui-même. C'est-à-dire que nous arrivons à une masse opaque, je crois que c'est Malraux qui a parlé à propos des romans de Flaubert, de ces beaux romans paralysés, n'est-ce pas ? On arrive à une espèce de paralysie, d'aphasie, n'est-ce pas ? Total. Ralentissement. De ralentissement, de déperdition, qui est très, très... très parce que très, les personnages sont comme ça, ils doivent s'exprimer comme Mais ils sont. Rien ne ressemble à... Constamment, ils se posent la question, Monsieur Homais doit dire des bêtises parce qu'il est Monsieur Homais, et les paysans de Flaubert doivent tenir des propos qui sont des propos de paysans. Oui, il y a chez lui deux aspects. Enfin, il y a un aspect très personnel, une autobiographie romantique claquante qu'il veut essayer d'exprimer dans ses tentations de Saint-Antoine. Puis il y a la cassure du voyage en Orient et ensuite la retombée dans le culte de l'impersonnel et puis le souci de faire vivre des personnages qui sont ce qu'ils sont. Je crois qu'il y a d'abord la maladie profonde. Enfin, je sais que ça paraît grossier de faire allusion à la vie d'un écrivain parce que c'est devenu démodé. Mais il est bien évident que la maladie de Flaubert est un drame profond qui le retire du monde, et que le voyage en Orient, il n'aurait pas demandé de continuer toute sa vie à voyager et à être un romantique claquant, comme vous disiez, Pierre Cipriot. Mais je crois que la volonté de séparation du monde, son attitude vis-à-vis de Louise Collet, la façon dont il ne tient pas, puisque sa maladie commence à l'âge de 20 ans. Alors pourquoi cette coupure ? Pourquoi cette coupure du voyage en Orient ? Il assume sa maladie. Il assume entièrement. Il la veut. Il veut sa perte. Oui, absolument. Il a été profondément heureux de pouvoir s'enfermer complètement. Il est heureux d'être à Croissy quand il voit Madame Collet. Ce n'est pas à Paris, c'est plutôt à Mantes. La moitié du chemin chacun, on la voit un petit peu. Et on revient dans le gueuloir et on s'y enferme. Et on travaille parce qu'on veut non seulement travailler, ni même parvenir, ni réussir, ni épater le bourgeois, ni faire le roman. Parce que c'était un accomplissement pour lui. C'est parce que c'est un destin profondément religieux, en réalité. C'est une vie aussi accomplie que s'il avait hanté les salons bien d'époque ou la vie de Maxime Ducamp. Bien sûr. Et donc, certainement pas. Ducamp, c'est de la caricature. Repoussoir. J'abonderai dans le sens de Christian Murciau. Je crois qu'il a lancé ses personnages pour se décourager lui-même d'une vie qu'il ne voulait pas mener, exactement comme Cervantes lance Don Quichotte dans des aventures, précisément pour s'en préserver. Vous croyez à un mécanisme de compensation. Sûrement. Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à avancer ce paradoxe? Je pense en effet que Flaubert, c'est par là qu'il est en effet moderne d'une certaine façon, eh bien c'est quelqu'un qui a choisi de se taire. Oui. Je pense à ce qu'il disait, qu'on devait sentir dans le moindre atome, dans tous les aspects, une impassibilité cachée et infinie. Je crois qu'il y a une phrase de Valéry qui est très éclairante, quand il dit qu'il faut abandonner les débris d'on ne sait quel grand jeu. Je crois que Flaubert a abandonné ses débris. Ensuite, il s'est livré à un dessin conséquent. Et ce dessin conséquent posait pour lui tellement de problèmes que, évidemment, le moindre mot à côté faussait un livre. Il fallait tout refaire. Une composition, un effort de réduction à l'essentiel qui rend le métier de l'écrivain horriblement difficile. Plus le degré de la prose à son époque. Et là, nous rejoignons ce que disait Monsieur Soler, au début de cet entretien, sur le sens du langage chez Flaubert, il a le sentiment que la prose est arrivée à un degré de perfection tel qu'il faut suivre toutes les leçons et que la phrase à la fois soit simple, directe et en même temps a une surabondance, une richesse, une luxuriance. Il a dit cela en un mot, il faut faire gras et rapide. Seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, c'est que historiquement, ce qui va se produire par la suite, c'est quand même Mallarmé, c'est quand même Lautréamont, c'est quand même tout ce qui va se passer dans les années 70, qui est d'une importance considérable. Oui, mais le flaubertiste quand même de l'époque, ce sera Maupassant, ce ne sera pas Mallarmé. C'est Proust qui vient. Sûrement, Proust pour toute la partie éthique de l'œuvre d'art. Mais quand même, le grand élève de Flaubert, aux yeux pour du monde, aux yeux des critiques, ce sera Maupassant. Mais il me semble qu'il y a une très grande différence entre Flaubert et Proust, c'est que Proust est en effet une œuvre qui donne l'impression d'une fixation. Alors qu'au contraire, ce qui est extraordinaire chez Proust, c'est la mobilité interne de l'œuvre, le dynamisme de cette œuvre. Il semble que Flaubert, par rapport à cette fixité, n'ait connu qu'une forme de dynamisme, c'est la recherche d'une perfection. Car il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'en effet, certaines de ses œuvres ont été fort mal reçues, et souvent par ses amis, par des gens en qui il avait une confiance d'ailleurs fort mal placée souvent, qui lui ont dit à la lecture de certaines de ses œuvres, c'est mauvais. Or, il a accepté leur jugement, puis il a fait une chose très mystérieuse, quelques années après, il les a recommencées. Alors, qu'est-ce que ça désigne, ce retour sur des œuvres dont on aurait dû le dégoûter. Ça désigne une recherche très profonde et une confiance, au moins dans une chose, dans le langage lui-même. Il avait l'idée que le langage était en lui-même une sorte d'expérience. Et ce n'est pas tellement loin de ce que la poésie appellera l'alchimie du verbe dans un domaine, évidemment, qui est tout à fait différent. Christian Murciau. Je crois que Flaubert avait en effet cette confiance profonde dans l'expression, même si elle implique également un combat incessant. Et il a dit dans de ses lettres, et qu'il s'efforçait d'atteindre un style qui serait à la fois lyrique et qui serait aussi le style ou l'expression des sciences objectives. Cette formule montre bien qu'il croyait en l'expression et qu'il se sentait le pouvoir d'exprimer. Il y croyait, mais il n'y croyait plus en même temps, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui dit « il me paraît de plus en plus difficile d'exprimer quoi que ce soit » et qui marque à chaque instant sa défiance devant... Parce qu'il était de plus en plus exigeant, comme tout véritable écrivain, et qu'il n'avait pas simplement quelques préceptes simples. Il y avait, pour lui, au fur et à mesure qu'il faisait l'œuvre, elle se défaisait, il la voulait plus rigoureuse, plus nourrie. Bon, je crois que nous pouvons dire en conclusion de cette émission que quatre romanciers contemporains sont quand même fascinés par Flaubert au point d'en parler avec abondance comme ils l'ont fait depuis une demi-heure. Et je crois d'ailleurs que le cas Flaubert tient peut-être à notre époque à la publication de cette correspondance finalement Nous connaissons Flaubert par le dessous, profondément, beaucoup mieux que la plupart des écrivains du XIXe siècle, et en même temps, cette correspondance est une école d'héroïsme littéraire qui sera toujours fascinante comme toutes les grandes leçons. Venez d'entendre un numéro d'analyse spectrale de l'Occident consacré à Flaubert. Une émission de Pierre Cipriot, diffusée la première fois le 13 février 1965 sur France Culture, avec André Mauroy, Marie-Jeanne Durie, François-Régis Bastide, Camille Bourniquel, Christian Murcio, Philippe Solers. Lecture Sylvia Montfort, Jean-Paul Moulineau, Jean-Marie Ferté. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.